Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver. La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile, où que vous soyez. Gaëtan Gosselin au microphone, bon, plaisir de vous retrouver en direct ce soir, en ce début d'année et de saison hivernale pour, réchauffer le cœur de sonorités, vous réchauffer le cœur de sonorités apaisantes, sonorités qui sont parfois méditatives ou appartenant d'autres fois au monde des bruits et vacarmes insolites, histoire de se rappeler ensemble, le bruitisme ambiant, parfois subtil de nos appartements, de nos maisons, de nos environnements urbains ou encore ruraux, voire alpestres. Tout ça pour dire que je vous propose ce soir trois projets tout neufs réalisés par des duos de créateurs, créatrices sonores, issus pour l'ensemble de la culture musicale, mais qui la combine, cette culture musicale, à des préoccupations de nature parfois ethnologique, historique, archivistique, voire même anthropologique. On va donc entendre ce soir un magnifique projet de reviviscence sonore du duo formé par Michel F. Côté et Géraldine Iglouze, c'est nommé Hortan. Ensuite, un projet intitulé « No Future » du créateur sonore et musicien italien Claudio Dondo. C'est un adepte des musiques industrielles qui va puiser son inspiration dans notre passé ancestral, les mythes païens et les menaces du siècle. Cela dit, pour débuter l'émission, je vous offre le très beau projet des artistes chinoises Sophia Chen et Lemon Guo. Elles sont réunies sous l'intitulé Southeast of Rain. Je traduis pluie du sud-est. C'est un projet intitulé 42 jours, 42 days. Projet animé, je dirais, par une sorte de rêverie inspirée par la fréquentation du ciel et de la mer, des montagnes, par le chant du hibou et le souffle du vent aussi, de toutes ces matières et contingences qui peuplent le passage des jours. Je suis sûr que vous en savez quelque chose. Alors, c'est un travail, vous allez voir, tout en subtilité, c'est méditatif et puis propice à la rêverie. Alors, on écoute une première création, ça s'intitule « Jour », je vais dire ça comme ça, « Jour numéro 8 ». On vient d'entendre un extrait du projet Jour 40 des artistes Sophia Chen et Lemon Guo. Eh bien, tout a commencé, disent-elles, à l'automne 2019 dans le cadre d'une résidence dans les Marines Headlands. C'est dans le contexte d'une base militaire désaffectée au nord de San Francisco. Pendant une quarantaine de jours, elles enregistrent leur promenade et le monde sonore de la vie quotidienne. Bon, le tintement des poignées de porte rouillées, des baraquements abandonnés, le murmure des radiateurs dans leur chambre, le chant des insectes. Bien sûr, tout ça combiné aux harmonies de leur voix et du pipa, un instrument à cordes chinois que vous avez entendu là, dans cette pièce qu'on vient de faire jouer. Elle raconte avoir utilisé comme studio un gymnase abandonné, autrefois théâtre de matchs de basket et de bowling pour les militaires et dont la résonance s'est avérée, disent-elles, fantomatique, j'ouvre les guillemets. À la réécoute, on a l'impression d'avoir été transporté du quotidien vers un lieu d'un autre monde, un monde de réalisme magique, disent-elles, peut-être là où la frontière entre les humains, les animaux, la nature et les êtres mystiques est plutôt poreuse. Je referme les guillemets. On écoute cette fois les jours 11 et 18 de ce vraiment très bel album intitulé Day 40, alors 40 jours. Thank you. Bon, je vous parle un peu rapidement de ce duo d'artistes chinoises qui a pour nom Southeast of Rain, un duo formé par Sophia Chen et Lemon Guo, deux compositrices et artistes sonores explorant les frontières entre les genres. On raconte qu'elles créent des paysages sonores oniriques grâce aux textures chatoyantes du pipa de Sophia Chen et aux accents évocateurs de la voix de Lemon Guo. Tout ça propice aux improvisations acoustiques, intimistes, à l'émergence d'ambiances planantes, vous avez entendu, et d'explorations sonores tout de même, rendant hommage au lien profond qui unit la nature à la musique traditionnelle chinoise. Originaire de Fujian, province du sud-est de la Chine, et résidant actuellement aux États-Unis, Sophia et Lemon collaborent ensemble depuis l'été 2013, débutant l'aventure commune lors d'un voyage en Alaska pour enregistrer des paysages sonores. Le duo privilégie une approche interdisciplinaire, guidée, il va sans dire, par une belle sensibilité au son en nature. L'album que je vous présente ce soir, D40 a été lancé en 2021, inspirant, dira un critique, une sorte d'introspection intense, une méditation sur la perception du temps, de l'espace et à partir du son. Alors voilà, on écoute un dernier extrait. Thank you. très bel album, comme je disais, qui nous amène dans, sur les sentiers de la rêverie. Alors, j'enchaîne cette fois pour compléter la demi avec un extrait du très beau projet récent intitulé « Hors temps », réalisé par les artistes sonores, musiciens Michel F. Côté et Géraldine Iglouze, un projet qui prend forme autour de territoires perdus et de thèmes aussi riches que les adieux, les départs, la finitude et ce qui reste de radieux dans tout ça, eh bien, la joie. Et on écoute une courte séquence pour vous revenir avec tout ça pour la suite, après la pause. Alors, on écoute ça. C'est de la série « Territoire perdu » de Géraldine Iglouze et Michel F. Côté. Alors, on écoute ça. I'm gonna go to the bathroom. Et bien voilà ce qui complète la première demi en compagnie de Géraldine Egoulouz et de Michel F. Côté autour de leur album intitulé Hors Temps, dont je vous parle plus longuement en seconde demi. Alors à tout de suite, on écoute un autre segment de ce projet de Michel F. Côté et de Géraldine Egoulouz pour se rendre à la pause. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche Oreille. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h. On se retrouve ce soir autour de créations sonores réalisées par des duos de créateurs, créatrices issus pour l'ensemble de la culture musicale, mais qui la combine, cette culture musicale, à des préoccupations de nature onirique, historique, archivistique, voire ethnologique. Et c'est tout à fait dans l'ordre des préoccupations qui animent le projet Hors Temps que nous ont concocté Michel F. Côté et Géraldine Egoulouz. Et pour s'en convaincre, je vous fais lecture de leur motivation. J'ouvre les guillemets. Hors Temps a été réalisé avec des musiques composées par Géraldine, enregistrées sur cassette à Paris. On est au début des années 90. Et suite à une réécoute active et un traitement sonore des bandes originales, on a créé des collages mutants afin d'amorcer un dialogue. Je referme les guillemets. Géraldine et Michel sont ainsi devenus des ethno-musicaux soul, des archivistes qui découvrent des documents sonores enfouis, qu'ils décryptent, restaurent, complètent afin de faire ressurgir, disent-ils, leur signification originelle. Chacune des pièces de Hortan est un trésor oublié, retrouvé, restauré ou encore remis au monde, nous disent-ils. À l'écoute, vous allez voir, il en ressort, une trame qui combine musique ancienne, tonalité d'outre-monde et sonorité poétique. On a eu un exemple à la fin de la première demi. Alors, pour rappel, Géraldine Egulouz est une compositrice nomade d'origine mexicaine, arrangeuse, interprète et performeuse sur une multitude d'instruments et de dispositifs. Michel F. Côté, lui, assez connu à l'émission, est un artiste sonore aux mille métiers, compositeur un peu sibyllin et grand complice de nombreux créateurs et artistes ici au Québec. Alors, on écoute une séquence du projet Hortan. Thank you. belle séquence. On vient d'entendre un enchaînement de pistes tirées du projet Hortan de Géraldine Égoulouse et Michel F. Côté que vous allez retrouver sur étiquette Ambiance Magnétique. Et je souligne que de nombreuses pistes sont accompagnées de vidéos d'animation réalisées par Ika Alt et Adriane Gamma. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir fourni tout le matériel pour vous faire entendre ça ce soir. Et on va clore la soirée ensemble avec une aventure au pays des imaginaires peuplée de souvenirs anciens, de rêveries ethnographiques et d'archives d'autres temps par l'écoute de quelques extraits d'un projet intéressant, vraiment beau, réalisé par l'artiste et musicien d'origine italienne Claudio Dondo, qui œuvre depuis de nombreuses années sous le nom de Runes Order, un projet de musique industrielle un peu néo-païen. On raconte que ses premières compositions étaient inspirées par les courants ritualistes et composées à l'aide de synthétiseurs, de bandes préenregistrées et d'instruments à percussion métallique fait maison. On y retrouve en arrière-plan, vous verrez, des relents de musique métal qui vont se convertir graduellement en sonorités cosmiques, similaires, dit-on, aux univers musicaux de la krautrock. Ce qu'on va écouter ce soir s'intitule New Future, une création du début des années 70 qui conserve tout son intérêt sur le plan sonore, certes, mais aussi émotionnel. No Future demeure, selon le critique Octavio Kiondo, la première incursion dans une musique d'origine clairement cosmique. Alors, le style cosmique, alors ça, c'est vraiment mystérieux, intéressant. C'est la cosmic music allemande caractérisée par l'utilisation des synthétiseurs et l'intégration de thèmes liés à l'espace ou encore à l'étrange, en mettant l'accent sur les textures sonores, le traitement des effets et les techniques de montage sur bande. Alors ça, c'est une citation que j'ai pris quelque part, je ferme les guillemets, pour inaugurer cette nouvelle voie, le thème choisi pour New Future de Claudio Dondo, très d'actualité, est celui de la guerre froide et des menaces nucléaires, des thèmes ravivés ces dernières années par l'expansionnisme américain, n'est-ce pas, et les menaces russes vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, écoutez New Future, poursuit le critique Kiondo, reste une expérience troublante, une peur qui pourrait, cela dit, avoir une valeur cathartique en exorcisant les cauchemars encore irrésolus dans l'imaginaire humain contemporain. Ça demeure, dit-il, une œuvre précurseur, une référence musicale dans le cadre des productions dites industrielles. Ben, on va voir ça. C'est tout de même intéressant à l'écoute, pas trop perturbant. Alors, on écoute un premier extrait de ce magnifique projet de musique industrielle post-apocalyptique. C'est tiré de l'album New Future de Claudio Dondo, dit Rune Order. Alors, on écoute ça. Thank you. C'est un extrait de l'album intitulé New Future du créateur sonore et compositeur de musique cosmique